Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, le destin tragique de Sœur Sourire. C'était une insoumise, une contestataire, un mouton noir, et puis en même temps c'était une grande égoïste. C'est comme une grande adolescente qui refuse de grandir et qui a une image idéale de la vie qui est pas juste, quoi. Et puis ce grand mystère, pourquoi elle en est arrivée au suicide? C'est avec attachement et enthousiasme que l'actrice Cécile de France parle de Sœur Sourire à l'émission française « On n'est pas couché » en mai 2009. Cécile de France est heureuse d'enfin pouvoir présenter ce film sur sa compatriote Sœur Sourire, un projet qu'elle a porté à bout de bras pendant des années. En 1963, Sœur Sourire connaît la gloire instantanée grâce à son succès planétaire, la chanson « Dominique ». Mais derrière le sourire de Sœur Luc Gabriel se cache une souffrance et une révolte qu'on ne soupçonne pas et qui la conduiront plus tard au suicide. Dominique et Nique s'en allaient tout simplement, routiers, pauvres et chantants. En tout chemin, en tout lieu, ils ne parlent que du bon Dieu, ils ne parlent que du bon Dieu. À l'époque où Jean sans terre d'Angleterre était le roi, Dominique, notre père, combattit les albigeois. Dominique, nique, nique, s'en allait tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. Pourquoi vous a-t-on appelé Sœur Sourire? Ah, c'est le résultat d'une enquête qui a été faite en France. On a passé les chansons d'une sœur anonyme, donc, dans les collèges. Alors, on a demandé aux élèves ce qu'ils donneraient comme nom à la sœur. Et on a fait un triage des réponses électroniquement. Et c'est Sœur Sourire qui a obtenu qui est sorti haut la main. Quand vous l'avez appris, est-ce que vous vous êtes dit, tiens, c'est un nom qui me va bien, ou ça me ressemble? Je me suis dit que les gens ne m'avaient sûrement jamais vu. Pour trouver une histoire pareille. Comment auriez-vous voulu qu'on vous appelle? Oh, je n'ai pas la moindre idée, mais en tout cas, pas comme ça. Ça fait un peu fleur bleue, vous voyez. Oui. Au scout, vous aviez un tabou, comme on dit, non? On dit un totem, oui. Oui, un totem, c'est ça. C'était beaucoup moins souriant, c'était ourson à ce temps-là. Ça vous ressemble plus? Une légère évolution, oui, quand même. Ça vous ressemble plus? Légèrement, oui. Et pourquoi ourson? J'ai jamais beaucoup analysé la question. Une certaine, je sais pas, une certaine âpreté, peut-être. Oui, mais vous êtes... Au fond, vous êtes très souriante. Oui, vous êtes très flatteur. Dominique, nique, nique, s'en allait tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. Sur la chanson Dominique, vous entendiez Sœur Sourire, Sœur Luc Gabriel, raconter en 1964 la genèse du choix de son nom de Sœur Sourire. Pour nous raconter l'histoire de Sœur Sourire, le drame également derrière son apparente joie de vivre, je reçois la journaliste Marie-Christine Blais, complice de l'émission. Marie-Christine Blais, bonjour. Bonjour, Jacques. Ce qu'on connaît de Jeannine Dekkers, alias Sœur Sourire, c'est ce qu'on vient d'entendre. C'est d'abord et avant tout une chanson, Dominique, qui va être un immense succès. On ne mesure pas à quel point il a traversé le globe à peu près à l'époque. Et surtout, il a percé aux États-Unis, ce qui, encore aujourd'hui, c'est encore la seule chanson en français qui a réussi à se classer dans les toutes premières places du palmarès aux États-Unis. La seule autre, je pense, c'est une chanson qui s'appelait Enigma dans les années 80, qui était en latin puis vaguement en français, ouais. Et qui, étrangement, était une chanson un petit peu érotico-religieuse. Donc, je ne sais pas si le français équivaut à la religion pour les Américains, mais quand cette chanson-là arrive en 63, très rapidement, c'est un numéro 1 en Europe, mais aux États-Unis, on explique d'ailleurs que c'est peut-être parce que le président Kennedy venait d'être assassiné et qu'il y avait une espèce de fièvre religieuse, trouver un sens, enfin, ce qui est arrivé. Mais cette chanson, chantée par une voix très, très jolie, très fraîche, où il est question d'un saint, Saint Dominique de Guzman, ça va être pendant 4 semaines au numéro 1, du Billboard. Le disque dont est tirée cette chanson va également être au numéro 1 simultanément, et lui va rester là 10 semaines. C'était la première fois qu'un disque et une chanson étaient simultanément en première position dans quelques langues que ce soit aux États-Unis. Il y a des grosses pointures là, à ce moment-là, pourtant. Là. Et en fait, quand elle va être déclassée, c'est par un certain groupe qui s'appelle les Beatles. Ben voilà, c'est incroyable. Mais sinon, elle est là, là. Ouais. Elle est en haut complètement. Alors, un mot sur cette femme qui est derrière ce succès planétaire de la chanson Dominique. Parlez-nous un petit peu de Jeanne-Paul Marie Dekkers, alias Sœur Sourire. Qui est-elle? Ben, donc, on l'appelle plutôt Jeannine Dekkers, généralement. Jeannine Dekkers, c'est une femme qui est née en octobre 1933 dans la région de Bruxelles. Enfance glauque, avec une mère, semble-t-il, très tyrannique, très rigide et malheureuse dans sa vie de femme mariée. Un père très faible, qui est aimant, mais qui est à peu près absent. Et la pauvre Jeannine, là-dedans, n'est pas aimée de sa mère. Clairement, c'est pas... Et elle essaie de se faire un peu une petite vie là-dedans, mais c'est vraiment quand elle va entrer chez les guides qu'elle va trouver, donc, au sein d'une communauté, tournée vers la joie, l'exercice, c'est là qu'elle va trouver un début de sens à sa propre vie. Mais sinon, jusque-là, ça va vraiment pas bien, ses affaires. C'est comme ça qu'elle va glisser vers la communauté religieuse. Elle choisit les Dominicains. Elle a choisi les Dominicaines. Encore aujourd'hui, on ne sait pas vraiment pourquoi. On sait qu'elle a fait le tour des différents couvents, des différentes communautés. Mais elle a dû se dire, justement, que la vie en communauté, surtout qu'elle ne veut pas se marier parce qu'elle a une image transmise par sa mère, le mariage, c'est vraiment pas une bonne chose. Ouais. Alors, elle ne veut pas se marier comme beaucoup de femmes à l'époque. Si tu ne te maries pas, qu'est-ce que tu fais? Tu deviens religieuse. Et donc, elle entre chez les Dominicaines, peut-être parce qu'il y a des missions dominicaines. Elle est intéressée. Les Dominicaines aussi travaillent, sont présentes dans les communautés où elles vivent, dans les lieux où elles vivent. Et puis, elle arrive avec ses chevalets, sa guitare, parce qu'elle a vraiment des velléités artistiques. Ouais. Elle a vraiment le goût de s'exprimer. Elle voulait enseigner le dessin, à un moment donné. D'ailleurs, elle l'a enseigné, mais bon, ça pas très... elle n'aime pas tant que ça être enseignante. Bref, tout ça pour dire qu'elle arrive donc dans ce couvent de Fichermont, dans la région de Waterloo, en Belgique. Et puis, elle fait des chansons qui chantent les charmes et la volonté de Dieu de nous plonger dans la joie. Oui, parce qu'elle aime la musique, mais au-delà de ça, puis vous allez l'entendre dans l'extrait qui suit, il y a vraiment un objectif pour elle. Elle choisit de chanter, mais avec un objectif précis. Et d'ailleurs, les paroles de cette chanson qu'on entend, qui date de 1965, « Je ne suis pas une vedette », donne déjà un bon aperçu de ce qu'elle veut faire. Je ne suis pas une vedette, si vous le croyez, vous faites erreur. Si le Seigneur me met en vedette, c'est pour mettre en vedette le Seigneur. Je ne suis pas une vedette, mon vrai métier, il est ailleurs. Je ne suis pas une vedette, la vraie vedette, c'est le Seigneur. Alors, pourquoi chante Sœur Sourire, Marie-Christine Blais? Elle a manifestement un don pour écrire de fort jolis textes, de très jolies mélodies aussi, une belle voix. Donc, elle décide à un moment donné donc, de chanter pour les jeunes gens qui viennent, qui fréquentent le couvent, les sœurs avec qui elle est, les religieuses avec qui elle est. C'est une manière de rapprocher la jeunesse de Dieu. Voilà, je ne exactement. Suis pas une vedette. Je suis un être humain comme tous. Ouais. Et bon, on est à l'époque de Vatican II, on est à l'époque des messes à gogo. Ouais. De la nécessité d'établir un réel rapport entre les gens du religieux et entre les gens du laïc, si vous voulez. Et donc, elle fait ses chansons. Au départ, la supérieure trouve que c'est charmant. Et d'ailleurs, ils vont voir chez Philips s'ils ne voudraient pas enregistrer ces chansons-là. Quand elles arrivent, paraît-il, à bord d'une vieille Citroën, enfin, c'est peut-être une légende, mais ça fait joli, Philips dit non, c'est pendant la période de Noël, ils n'ont pas le temps. Ouais. Alors, elles reviennent à la charge un peu plus tard parce qu'elles veulent faire un disque pour que les jeunes religieuses et les jeunes gens qui fréquentent le couvent puissent les chanter, puissent les entendre. Philips, donc, accepte parce que là, ils ont du temps. Elle enregistre. Et puis, quand ils entendent ça, ils sont comme « Oh, c'est joli, c'est charmant. » Et ça va... C'est Philips qui demande la permission, donc, d'enregistrer, de lancer vraiment le disque, de le distribuer. Et... au profit, bien sûr, de la communauté religieuse des Dominicaines. Et c'est parti. Le monde du spectacle, en 1964, a jeté par-dessus bord plusieurs conventions. L'avant-garde fut plus avant-gardiste que jamais, et une vedette ressort de cette nouvelle vague. Allez. Dominique, nique, nique, s'en allait tout simplement au chaud d'être sur Liban. Elle dit oui, c'est merveilleux, œil du tonnerre de Dieu, œil du tonnerre de Dieu. On aime bien sœur Dominique, surtout avec ses barniques. Elle chante, elle a du talent, c'est la vedette du couvent. Dominique, nique, nique, son malin tout simplement au chaud d'être sur Liban. Elle dit oui, c'est merveilleux, œil du tonnerre de Dieu, œil du tonnerre de Dieu. On aime bien sœur Dominique, elle a des dents magnifiques. Et si elle sourit tout le temps, c'est qu'elle emploie peut-être ce temps. Dominique, nique, nique, son mari, simplement, au chaud d'être sur Liban. Elle dit oui, c'est merveilleux, œil du tonnerre de Dieu, œil du tonnerre de Dieu. Dominique. La chanson Dominique qui sera un succès planétaire, succès, on vient de l'entendre, auquel le Québec n'échappera pas. Ce que vous venez d'entendre, en fait, c'est un numéro présenté à l'émission Ça va être laté, l'ancêtre du Bye Bye, le 31 décembre 64. Vraiment, Marie-Christine Blais au Québec, mais partout en Occident, ah oui. C'est un succès instantané. Elle va gagner un Grammy de la chanson religieuse ou gospel avec Dominique. C'est... C'est incroyable! Mais elle va être également numéro un des ventes au Canada, en Nouvelle-Zélande, en Australie, aux États-Unis, au Mexique. Elle va vendre en Argentine, en Uruguay. C'est une époque qui s'y prête aussi. Au début des années 70, il va y avoir une chanson qui s'appelle Eres tu, qui est aussi une chanson religieuse qui s'adresse à Jésus. Ouais. En fait, la chanson religieuse vit toujours. Hein. D'ailleurs, qu'on pense à Seigneur de Kevin Parent dans les années 90, ou plus près de nous, le succès d'un Mario Pelcha avec des prêtres qui chantent des chants sacrés, ou toute l'importance du chant grégorien dans les ventes de disques encore aujourd'hui. Donc ça peut paraître saugrenu, mais non, tout au fil du temps. Il y a toujours ce goût du sacré qu'on peut chanter. Ouais. Parce que c'est beau aussi. Ouais. Ce sont donc, des Dominique, actions. Ça va l'amener à faire le tour de la planète. Le disque va vraiment circuler partout. Elle va tourner, elle aussi. Aux États-Unis, revenons-y, parce que, évidemment, c'est une chanson française. Vous l'avez un peu abordée, mais c'est phénoménal. Ah, c'est la seule encore à ce jour. Les grands plateaux de télé. Oui, elle va au Ed Sullivan. Au Ed Sullivan Show, en fait, c'est pas vrai. Ed Sullivan se rend en Belgique pour la rencontrer et ils font un reportage sur place où on la voit. Et elle est plus ou moins à l'aise. C'est intéressant de voir les extraits que nous avons où on la sent plutôt souriante, alors que des fois, elle n'est vraiment pas souriante. C'est une personnalité trouble, Janine Dekkers. Et Sœur Sourire est un tel phénomène, Marie-Christine Blais. Hollywood va tourner un film en 66 sur la vie de Sœur Sourire. Avec Debbie Reynolds et c'est très, très loin de la réalité. Ouais. L'avez-vous vu, ce film? J'ai pas vu. Bon, Debbie Reynolds se promène en scooter et puis rigole à tout venant et follement, follement dynamique. Alors c'est presque que... la sœur volante. C'est la sœur volante. Ouais. C'est la sœur volante, exactement. Alors que la vraie sœur sourire dépérit un peu de plus en plus parce qu'elle n'est pas heureuse au sein des Dominicaines, elle n'est pas heureuse dans sa vie en général. Et ce qui fait qu'elle va, de fait, quitter donc les Dominicaines et sa vie religieuse en pleine gloire en 1966. Mais pourquoi vous avez choisi le côté civil de l'affaire? Parce que c'était très gênant. Non, parce que pour moi, question vérité personnelle, vocation personnelle, ça me semble plus vrai et plus proche des autres. D'être habillé comme tout le monde en gardant un mode de vie religieux identique. Donc il n'y a rien de changé pour vous sur le fond? Au point de vue religieux, absolument rien. Je garde mes vœux, je garde le temps de prière par jour, la messe, l'office, etc. Vous n'avez pas l'intention de vous marier, autrement dit? Pas encore, tout de même. Extrait d'une entrevue de Sœur Sourire, devenue à ce moment-là Luc Dominique à la radio-télévision belge en 1966. Pourquoi? Donc, elle n'est pas heureuse chez les Dominicaines, nous disiez-vous, mais Christine Blais, mais pourquoi elle décide de quitter la vie religieuse? Elle cherche, comment dire, à être elle-même et elle a l'impression qu'au sein de la communauté, comme au sein de sa famille, elle n'est pas heureuse. Dans les faits, il y a aussi une grande, grande histoire d'amour derrière ça, qui n'est pas celle de Sœur Sourire, mais celle d'une jeune femme qui s'appelle Annie Péché, qui a rencontré à 16 ans Sœur Sourire, qui n'était pas Sœur Sourire à l'époque, qui était directrice de camp d'été. À 21 ans, cette jeune femme va relancer Sœur Sourire, qui est à l'époque donc parmi les Dominicaines. Et il y a une grande amitié, certainement de la part d'Annie Péché, un grand amour pour cette femme. Et elles vivent une relation platonique. peut-être pas de la, c'est pas la volonté de Annie Péché, mais certainement celle de Jeannine Dickers, qui veut vivre une espèce de grande relation sacrée, religieuse. Effectivement, ouais. Elles disent la prière ensemble, choses comme ça. Et Sœur Sourire est de 11 ans, son aînée. Ouais. Et Annie Péché va rester avec Jeannine Dickers jusqu'à la toute fin. Jusque dans la mort, on jusque y reviendra, dans la mort. Mais elles vont passer donc oui, des années ensemble. Des années, et qui sont des années difficiles. Ouais. Un mot quand même avant de parler de cette descente aux enfers, parce que c'est ça c'est vraiment qui les attend tout toutes les deux. Mais à partir du moment, en 66, où elles décident de claquer la porte, de quitter la vie religieuse, un petit mot quand même sur le virage oui. Que prend à ce moment-là Sœur Sourire. Elle va, ah oui. Elle va continuer de chanter oui. Sous le nom de Luc Dominique, et ça va donner, entre autres, et c'est très, très révélateur, cette chanson. Écoutez les paroles. Elle est morte, Sœur Sourire, elle est morte, il était temps. J'ai vu voler son âme à travers les nuages sur un tapis volant. Messieurs les journalistes et messieurs les disquaires, sans doute feront critique, comprendront de travers. Mais que Saint-Dominique veuille leur pardonner toutes les rumeurs publiques qu'ils auraient diffusées. Elle est morte, Sœur Sourire, elle est morte, il était temps. J'ai vu voler son âme à travers les nuages sur un tapis volant. Il est... Alors, c'est très fort, et ça montre où elle en est quand elle quitte oui, les Dominicaines. Elle tue Sœur Sourire, voilà, rien de moins. C'est très, très oui. Fort symboliquement. Là. Mais c'est parce qu'elle n'est pas à l'aise avec cette image de femme souriante et dynamique. C'est, ce n'est pas... Elle, ouais. Du tout, du tout, du tout. Elle va devenir très critique aussi, parce qu'elle fait des chansons sur, pour la pilule, des chansons qui donc, dénoncent les travers de l'Église, l'obscurantisme. Elle fait tout ce qu'il faut pour que l'Église ne soit pas heureuse de sa brebis. Accuse en quelque sorte aussi son couvent d'avoir profité d'elle. Ben, dans les faits, on ne peut que lui donner raison. Ouais. Parce qu'en fait, c'est une femme qui, comme le dit très, très bien Cécile de France, c'est comme une grande adolescente qui refuse la réalité. Alors, elle ne se rend pas tout à fait compte, mais elle ne cherche pas non plus les réponses. Qu'est-ce que ça veut dire que la chanson appartienne à la communauté? Mais ce qu'elle ne réalise pas, c'est que, comme elle ne signe pas les bons papiers ou qu'on ne les soumet pas, ça reste encore assez flou, elle devient responsable de l'impôt à payer sur une chanson dont elle n'a jamais touché un sou. C'est fâcheux. C'est plus que fâcheux. La compagnie de disques qui fait le gros des revenus ne la soutient pas du tout. Sa communauté va la laisser toute seule. Alors là, on se demande, c'est vrai que par moments, quand on lit sur sa vie, elle n'est pas très sympathique, Sœur Sourire. Mm-hmm. Peut-être que sa communauté ne la trouvait pas très sympathique et décide de pas vraiment l'aider non plus. C'est ouais. Pas très clair. Parce qu'il y aura des appels à l'aide. Ah, il y aura des appels à l'aide. Mais en même temps, chaque fois que quelqu'un lui suggère des solutions... Elle ne fait pas ce qu'il faut pour s'en sortir. Ouais. Elle refuse de poser les gestes qu'il faudrait. Et là, il arrive cette chose que peu à peu, elle prend de plus en plus de médicaments, ouais. Elle est de plus en plus dépressive, elle boit de plus en plus. Oh! Et ça commence. Donc, à la fin des années 60 déjà, commence cette lente descente aux oui. Enfers. Brutalement, on apprend aujourd'hui que Sœur Sourire, Jeannine Dickers, s'est donné la mort dans des circonstances qui ne sont pas encore fort éclairées, mais... C'est vrai, ça cause un certain choc ici en Belgique. On se demande ce qui a bien pu se passer. On apprend également qu'elle a vécu dans presque une grande misère au cours des dernières années. Mais au fond, je crois que si on parle de Sœur Sourire, ce qu'il faudrait dire, c'est quelqu'un sans doute qui ne s'est jamais tout à fait bien senti dans sa peau. C'est quelqu'un qui a eu un succès foudroyant avec son succès Dominique, mais qui ne s'est jamais très bien senti dans le monde du show business. Oui, c'est quelqu'un qui était une dominicaine, mais finalement qui a quitté l'ordre, qui a essayé de vivre comme une religieuse dans le monde ou comme une chrétienne dans le monde, mais ça n'a pas toujours été très facile. Finalement, Sœur Sourire, c'est quelqu'un qui ne s'est jamais sans doute très bien senti dans sa peau, qui a toujours un problème d'adaptation au monde. Ces derniers temps, paraît-il effectivement, elle a eu des difficultés financières. Elle a essayé de monter, dit-on, une maison pour des handicapés, mais ça n'a pas réussi. Elle a eu des difficultés financières, des difficultés relationnelles aussi, mais on ne croyait pas qu'elle allait arriver à cette dernière extrémité. Mais finalement, ce qui est dramatique, c'est que ce nom, finalement, Sœur Sourire, peut-être que ça n'a jamais été quelqu'un qui qui devait porter ce nom de Sœur Sourire. Le journaliste belge Gérald Aillois, à l'émission Présent 1985, c'est donc le 29 mars 1985 que Jeannine Dekkers, alias Sœur Sourire, décide de se donner la mort avec Annie sa compagne Péché. De vie. Oui, oui, oui. C'est terrible parce qu'en fait, elle va devenir de plus en plus narcissique, Jeannine Dekkers. Elle va devenir de plus en plus dépendante à l'alcool, aux médicaments, à la nourriture. Elle est boulimique. Elle entre dans des moments d'abattement complet. Et, il faut le dire, il y a un receveur des contributions aussi, donc si vous voulez, un fonctionnaire du ministère des Revenus belge qui s'acharne sur elle. Ouais. Aujourd'hui, il serait sans doute poursuivi pour harcèlement. Mais elle est tellement déconnectée que, par exemple, elle vient en 67, donc elle n'est plus religieuse, elle vient au Québec, elle fait une centaine de représentations. Où est-ce qu'elle jouait? Elle joue dans des boîtes de nuit, Sœur Sourire. Et elle ne sera pas payée. La personne, l'organisateur qui est ici, part avec la caisse. Ouais. C'est comme ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elle ne comprend pas les choses, mais quand on lui tend des perches, elle ne les prend pas. On a l'image de quelqu'un qui est dans le sable mouvant et qui s'enfonce, et qui s'enfonce. Et qui, en fait, bouge tellement qu'elle s'enfonce encore plus vite. Il y a rien. Et écoutez, les derniers mois de la vie de Jeannine et d'Annie, elles ne sont même pas capables de chauffer leur appartement. Ouais. Il fait 13 dans l'appartement en plein hiver. Ça va pas bien. Et Annie est tellement amoureuse de sa Nine, de sa tendre Inou, qu'elle va accepter. Et, enfin, il y a une espèce de cercle vicieux qui s'installe et elle va accepter de se suicider avec celle qu'elle a toujours aimée. Ouais. On entendait Cécile de France au tout début de l'émission. Il y a comme un regain d'intérêt auquel on va assister autour de 2009-2010. Deux livres, ce film dans lequel joue Cécile de France. Pourquoi ce regain d'intérêt tout à coup? Je crois, d'une part, l'écartèlement tel entre la chanson, joyeuse et tout, et puis enfin, très naïve. On dit bien Dominique, nique, nique, nique, alors que niquer, ça veut dire faire l'amour. Mm-hmm. En plus, mais Sœur Sourire fait ça, puis ça, il n'y a aucun problème. Donc, d'une part, quelque chose de très joyeux et une vie pathétique, tic-tic, si je peux me permettre le mauvais jeu de mots, c'est terrible. Mais il y a aussi ce côté de l'image qui ne coïncide pas avec la personne, un peu comme les gens qui sont dans des spectacles, des téléréalités, des choses comme ça. Ils ont un succès. Vedette instantanée. Voilà, tu sais, one hit wonder. Ouais. Mais the wonder, le lendemain matin, là, elle n'existe plus, la magie n'existe plus. Et là, les gens essaient de retrouver cette espèce de lien magique. Et ça ne marche pas. Ouais. Et ça ne marche pas. Ils ne sont pas capables de s'adapter ni à l'anonymat, ni à la célébrité. Alors, je pense que c'est un espèce de cas de figure, 60 ans avant le temps, de la vie en public, mais fausse. Donc, quelque chose d'actuel qui fait qu'on est peut-être retourné. Une image qui est dangereuse. Ouais. Marie-Christine Blais, journaliste, amie de l'émission, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. Merci, Marie-Christine. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine. Et chante la pré, et chante les fleurs, la joie est dans mon cœur. Et chante les prés et chante les fleurs, moi j'ai ma joie dans le Seigneur. Tous les chemins de la plaine s'en vont inlassablement.